donc un peu les filles. Allez, on va partir ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur l'antenne de RIG 90.7 et aussi sur le net rigfm.fr pour suivre cette émission Johnny de A à Z qui officie pratiquement tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 525e émission et l'album de la semaine de cette émission, oui c'est un album de la semaine. On va retrouver l'album De l'amour qui a été sorti le 13 novembre 2015, donc pratiquement 8 ans auparavant. Il faut dire que cet album a été enregistré en août à Los Angeles en 10 jours et dans la confidence totale. Le disque De l'amour donc sort le 13 novembre 2015 et un 50e album qualifié par Johnny Hallyday comme étant l'un de ses plus intimes. Composé par Yodelis, à l'exception d'un titre écrit par Hallyday, l'opus plus engagé qu'à l'accoutumée évoque des faits d'actualité tragiques survenus ces derniers mois. L'affaire Michael Brown, un afro-américain abattu par un policier à Ferguson. Le drame des migrants fuyant la guerre civile syrienne. L'immigration clandestine, les marches républicaines après les attentats du janvier 2015 en France et le terrorisme islamiste. Et ironie du sort, de l'album De l'amour sort le jour même des attentats en Île-de-France. Le lendemain, au concert de Zénith à Strasbourg, Johnny Hallyday dédie la représentation aux victimes et à leurs familles avant d'observer une minute de silence avec le public. On écoutera ça au cours de cette émission. Et on va attaquer tout de suite avec Johnny qui fait l'annonce le 9 octobre 2015. Il fait l'annonce sur la scène de Lille et donc qui fait l'annonce de cette chanson, de son nouvel album qui a été préparé dans la plus grande surprise. Bonne écoute à toutes et à tous et bonne émission. Vous savez, dans une vie de chanteur, on fait parfois des rencontres rares dont naissent des disques marquants. J'ai vécu cela avec Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, David, mon fils, et plus récemment, avec mon ami Yodelis, qui avait d'ailleurs fait au Café de l'Avenir. Ces derniers mois, nous nous sommes remis au travail et nous avons enregistré un nouvel album ensemble. Mon 50e album. Cinquantième album studio, hein, seulement. Hein. Et probablement le plus intime de tous mes albums. La chanson que je vais vous chanter, elle s'appelle De l'amour. On a tous besoin d'amour, n'est-ce pas? Et je vous demande d'accueillir mon ami Yodelis. Je t'ai maître, je m'en veux. Hallyday. Envoie-moi la musique. C'était la première interprétation de Johnny Hallyday de la chanson De l'amour sur la scène de Lille le 9 octobre 2015, soit un mois avant que l'album ne sorte. Et là, on va écouter la version de l'album De l'amour. Un beau jour lâché, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années, comme le boulot que je venais de trouver. Mais l'abattoir ne veut plus embaucher. Il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'en avais trop pour nous deux. Je sais pas comment je vais me débrouiller. De quelle façon faut savoir encaisser. Si le ciel pouvait au moins se lever, on pourrait aller enfin le décrocher. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je t'aimais. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Vu que ce soir c'est un album avec un Johnny, avec un album engagé, et bon, on va écouter tout au long de cette émission, de ce numéro spécial Johnny de A à Z avec l'album De l'amour, on va écouter des chansons engagées, comme du genre ce titre de 1971 avec son album Flagrant Délit. Cette fois-ci par contre on l'écoute sur l'album live. La Johnny au Palais des Sports 1971 et ce titre, La Loi. Thank you. entier bientôt vont se fermer. Merci, merci, merci, merci, merci beaucoup. À couple vite, Charlie, il te gagnera. Ne te retourne pas. À couple vite, Charlie, il te gagnera. La fille sera pour toi. Mais celle-là, qu'avait le regard. Et le chanteur de l'orchestre s'appelle Johnny Hallyday. La terre brûle sous mes pieds. Et je ne sais pas m'arrêter. Je n'ai jamais voulu croire. Johnny Hallyday nous parle de Pollution dans le prochain titre, qui est une version alternative du titre Pollution, et qu'on retrouve sur l'album Vie, la version 2022. Dans les arbres pollués, hey. Pollution, donc extrait de l'album Vie, qui était sorti lui en 1970. Et on attend bientôt le livre disque Flagrandrilli, qui devrait sortir soit en décembre, soit en janvier de l'année prochaine, c'est-à-dire 2024. Mais revenons à l'album de la semaine, qui s'intitule De l'amour, et qui est sorti le 13 novembre 2015. Et tout à l'heure, on l'a entendu, hein, la surprise était tombée le 9 octobre 2015, lors d'un concert. Johnny avait réservé au public lillois la primeur d'une nouvelle chanson et l'annonce de la sortie de son 50e album studio De l'amour, qui a été enregistré dans le plus grand secret l'été 2015 entre Los Angeles et Paris. Et Johnny le dit, on l'a fait très très vite, et a expliqué le chanteur vendredi à Paris lors de son unique rencontre avec la presse. J'avais un mois de vacances, je suis rentré plus tôt que prévu à Los Angeles pour l'enregistrer, puis on a enchaîné sur la tournée. C'est la première fois que j'enregistre un album en 10 jours, mais on voulait faire simple et direct. Quoique la première fois qu'il fait un album en 10 jours, non, parce qu'à l'époque, dans les années Vogue, dans les 60, il pouvait enregistrer un album en une seule journée. Oui, ou voire deux jours. Donc, Johnny, il ment encore une fois. Il ment, il sait plus. Donc tout ça à la façon Johnny Cash. On va écouter Johnny lors d'une interview pour la promo de cet album-là, et après on enchaînera avec le titre Valise ou Cercueil. C'est ce vendredi que sort le tout nouvel album de Johnny Hallyday, album intitulé De l'amour, qualifié d'intimiste. Et d'ailleurs, le fil conducteur, c'est plutôt l'actualité, puisqu'il y évoque les migrants, il y évoque aussi les émeutes de Ferguson ou encore Charlie Hebdo. Philippe Dufresne a rencontré le chanteur pour BFM TV. Johnny Hallyday, bonjour. Bonjour. Vous traitez quand même beaucoup l'actualité dans ce disque. Qu'est-ce qui s'est passé pour que justement vous... Ce sont des thèmes graves, et je crois que ce sont des thèmes qu'il faut traiter avec de l'amour plutôt qu'avec de la haine. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'album de l'amour, d'ailleurs. Des choses qui m'ont choqué, des choses que j'avais envie d'en parler. J'ai vécu une grande partie de ma vie déjà, mais on s'inquiète pour nos enfants, on s'inquiète pour les gens qu'on aime bien, et pour toute la jeunesse d'ailleurs. Ferguson, vous l'avez vécu aux États-Unis. Alors Ferguson, vous savez, moi ça m'a énormément touché. C'est vrai que le racisme aux États-Unis est très important. Dans la petite ville du Mississippi, la nuit était marquée par les violences. Darren Wilson, ce policier blanc qui a tué un jeune noir sans armes, ne sera pas jugé du racisme purement et simplement. Le soir, en comptant les balles. La police qui se permette de tuer quelqu'un parce qu'il est noir, moi ça me choque beaucoup. Dans la peau de... Le racisme est quelque chose que je trouve ignoble. Et c'est vrai qu'il y a une certaine violence là-bas par rapport à ça, qui me révolte un petit peu. Et ils s'assoient sur leur orgueil. En tout dernier choix, valise ou cercueil. Beaucoup, beaucoup de journaux dans le monde ont fait leur une aujourd'hui avec la photo de ce petit garçon mort sur une plage en Turquie, parti avec sa famille pour fuir la guerre. Moi, ce qui me gêne dans les migrants, c'est les parquer dans des endroits comme ça. Je trouve ça terrible pour des familles, pour des enfants. Si on a un peu d'humanité, ce sont des choses qui ne devraient pas exister, quoi. L'Europe n'ouvre pas assez. Je trouve que l'Europe ne s'ouvre pas assez à ça, ouais. Charles Aznavour serait prêt à accueillir des migrants chez lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait qu'il ait une très très grande maison. Alors. Vous feriez, vous? Non, on ne peut pas accueillir tout le monde, je veux dire, mais on peut faire en sorte pour, en tout cas, donner l'idée pour qu'on puisse les aider, en tout cas, oui. Pour apaiser la peine de tout un pays soulevé, nous étions venus sans peur et sans haine ce dimanche de janvier. Charlie, sur ce qui s'est passé, comment vous avez réagi? Beaucoup d'effroi, beaucoup de peine. Voilà ce qui était quelqu'un que je connaissais un petit peu, que j'aimais bien, qui m'avait souvent fait des portraits qu'il m'envoyait. Je pense qu'il m'aimait bien, et moi je l'aimais beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai voulu rendre un peu honneur à sa famille en faisant cette chanson. Et puis c'est quelque chose qui m'a touché, comme la preuve, ça a touché énormément de Français. Une marée humaine doit déferler tout à l'heure à Paris. Oui, des centaines de milliers de personnes sont attendues à 15h, place de la République, pour défiler et rendre hommage aux victimes de ces attentats ces derniers jours. Nos héros d'encre et de papier. Je crois qu'il n'y a jamais eu un rassemblement d'un peuple pour saluer Charlie depuis mai 68. Le texte de Jeanne Chéral pose la question: que reste-t-il de ce dimanche? Et justement, que reste-t-il de ça? C'est ça la question. On verra dans quelques années, hein, pour l'instant, on s'en souvient encore. De ce dimanche. Merci Johnny Hallyday. Merci beaucoup. De janvier. Et les années 70. Car le rock and roll, en fin de compte, est quand même une musique qu'il ne faut pas oublier, une musique d'ambiance. C'est le rythme, c'est la musique, c'est... c'est... En termes de métier, on dit c'est le pied, quoi. Il n'y a pas de pays maudit. pense à tous ces enfants perdus. Johnny contre l'antisémitisme. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Anto Johnny en live lors du Restez Vivant Tour, c'était en 2015, voire même 2016 là, ce morceau. Ou dans la tournée, non, c'était dans la tournée. Restez Vivant 2015-2016. Le 9 août 2014, Michael Brown est abattu par un policier blanc alors qu'il avait les mains en l'air. Cette chanson dénonce les actes racistes qui existe encore beaucoup trop aujourd'hui. Malgré les flammes des bougies, l'obscurité avance. Elle est noire comme la colère qui gronde dehors. Le soir en comptant les balles dans la peau de ma gloire. Ferguson me sourit, c'est comme les

Colorado. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Johnny et les années 80. Oh. Ah. Quel métier fatigant. On continue un peu toujours avec Johnny Hallyday engagé. Là, il nous parle de politique et d'un certain Monsieur Paul. Tu te prends pour une idole.

et les années 70. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Comme j'ai pu dire précédemment, l'album de Johnny Hallyday était sorti le même jour que les attentats à l'Île-de-France, donc le 13 novembre 2015. Et le lendemain, Johnny Hallyday donnait un concert au Zénith de Strasbourg et dédie la représentation aux victimes et à leurs familles avant d'observer une minute de silence avec le public. On écoute ça tout de suite. On revient quelques années en arrière. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Strasbourg. Nous avons décidé de dédier le concert de ce soir à tous les disparus des attentats d'hier soir à Paris. Ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches. Je voudrais que nous passions tous ensemble, si vous voulez bien, une minute de silence pour leur rendre hommage. Nous devons tous continuer à vivre dans l'amour et non dans la haine. Il est temps que rien ne s'arrête et que la France reste le beau pays que nous aimons tous. Vive la France, merci. Le dimanche 10 janvier 2016, sur la place de la République, Johnny Hallyday a interprété Un dimanche de janvier en hommage aux victimes des attentats qui ont endeuillé la France, donc le 13 novembre 2015, soit 149 personnes. Il était 11h quand le rocker tout vêtu de noir et le visage fermé est arrivé sur scène, accompagné de ses deux guitaristes. Il a entonné la chanson écrite par Jeanne Chéral pour saluer la grande marche républicaine du 11 janvier dernier. Oubliez la polémique autour du choix de l'idole des jeunes, mais surtout tête de turc préférée des dessinateurs du célèbre journal satirique. Ce dimanche matin, le chanteur vivant qui incarne la France, comme l'avait expliqué le cabinet de la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour couper court aux critiques, a communié avec les Parisiens venus sur place, devenus désormais un symbole. Il est vrai que l'idole des jeunes étant loin celle de Charlie Hebdo, sa présence dimanche a interrogé et soulevé même la colère des proches des dessinateurs du journal satirique. Johnny était en effet une de leurs cibles favorites. Il se faisait dégommer régulièrement, que ce soit pour son interminable carrière, ses orientations politiques ou encore ses histoires récurrentes d'événements fiscale. Comme en témoigne cette couverture qui le représente vérolé, la goutonnée, avec pour titre « Voleur comme un Français, con comme un Belge, chiant comme un Suisse ». Et ceux qui étaient contre Johnny avaient dit « Il aurait fallu du jazz au lieu que Johnny chante ». Voici justement l'interprétation de Johnny Hallyday, ce fameux dimanche de janvier, donc le dimanche 10 janvier 2016. Il vient de troubler l'instant de recueillement. dimanche de janvier. Que reste-t-il de ce dimanche de janvier? Mais que reste-t-il de ce dimanche de janvier? De ce dimanche de janvier. Une question simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Sur le bar, pour que chacun s'approche, une bouteille de Ricard. L'étranger dans la ville, il s'est fait des amis. On danse dans la ville toute la nuit. L'étranger dans la ville. L'album de la semaine qui est De l'amour, sorti le 13 novembre 2015. Et une nouvelle fois, c'est le musicien Yodelis qui a assuré tous les arrangements. Guitar slide, son vintage, pedal steel et réussi aussi le difficile pari de l'authenticité. On a travaillé avec le plus de sincérité possible et dans le lâcher prise, sans pression, juste pour le plaisir de faire de la musique, explique le compositeur et guitariste de 36 ans à l'époque. Johnny et moi partageons la même passion pour le vieux rock et les belles guitares. Je voulais que ce disque sonne comme le bilan de qui il est vraiment et un retour à ses inspirations originelles. Et on y retrouve aussi les plumes de Christophe Mioset, que sont les titres De l'amour, Mon cœur qui bat, de Pierre Jouissomme dans la chanson Valise ou cercueil, Avant de frapper, Des raisons d'espérer, Jeanne Chéral aussi avec Tu es là et Un dimanche de janvier, Pierre-Dominique Burgot dans La peau de Mike Brann. Tous ces artistes brillants ont déjà écrit par le passé pour l'interprète de Gabriel. Et deux petits nouveaux font leur entrée sur cet album, Vincent Delerme, à qui l'on doit le texte Une vie à l'envers, et Aurélie Saada du groupe Brigitte et amie de Yodelis, pour le titre L'amour me fusille. Et Johnny collabore également avec Bob Clairmontaine. Il a demandé à l'américain de s'occuper de son mixage, donc du 50e album. Et Bob Clairmontaine est connu pour avoir travaillé avec des artistes aussi célèbres que Bruce Springsteen ou les Rolling Stones. Et côté musicien, Johnny est accompagné de Yodelis à la guitare, de Ray Charley Drayton à la batterie, de Laurent Verneret à la basse, de Greg Slapp à l'harmonica et Greg Leeds, star de la pedal steel. À noter la venue exceptionnelle de Mitchell Froom au clavier et de Blake Mills à la guitare.

joue le coup du tunnel. La lime à ongles, sans mettre sa presse. Mais je suis con en Edmond Dantès. Et ma fille de l'air, bah de l'air. Alors je me jette sur des pages blanches, un best-seller de la souffrance, du croustillant de la violence. Et puis je m'en fous d'écrire sa mise et pâlir, plus cribouiller. Santé. Enfin, façon de parler. Ici, il y a des questions à ne jamais poser. Du genre, sa vie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ici, il y a des parfums à ne pas se rappeler. Sa vie, si t'avais vu son sourire. Mercredi matin, musique de Mort Schumann et les paroles de Johnny Hallyday et de, enfin, non, musique aussi de Johnny Hallyday et paroles de Pierre Billon. On arrive maintenant au duo Impossible. Je sais que vous aimez ça. La dernière fois, je vous ai présenté une émission live entièrement qu'avec des duos, dont des duos virtuels. Je vous en ai concocté entre temps, hein. Il y en a eu quoi, deux, trois de plus que j'ai fait. Voilà. Eh bien, je vous en proposais un ce soir. C'est Bobby Rydell ainsi que Johnny Hallyday chantant la chanson Je ne danserai plus jamais ou sinon I'll never dance again. Voici le duo Impossible, ou si vous préférez, duo virtuel. Mon cœur autrefois battait tout près de ton cœur. Tous deux on dansait, pour moi c'était le bonheur. Et maintenant un autre te tient dans ses bras. That the thrill wasn't there, unless my arms are holding you the way they did then. Darling, I will never, no, I'll never, never dance again. Oh, oh. Crois-tu que mes yeux supportent tout ça? Cause my heart could break. make to see you take every step with me. Je te vois qui soupire penché sur son épaule. Ça me fait souffrir de voir sa main qui te frôle. So while that guy is holding you the way I did then. Jamais plus, non jamais, non non plus jamais, je ne danserai plus jamais. L'album de la semaine qui est De l'amour, sorti le 13 novembre 2015. Et avec De l'amour, Johnny s'éloigne de la variété pour se rapprocher de ses racines musicales que sont le blues et le rockabilly. Je ne voulais pas d'un album avec la grosse fanfare, les violons et tout ça, mais je souhaitais au contraire quelque chose de plus simple, à la Johnny Cash, a-t-il expliqué lors de la conférence de presse organisée par sa maison de disque Warner à Paris le 6 novembre 2015. Sur la pochette du disque, signé Mathieu César, il prend la pose vêtue d'une chemise de cow-boy qui serait comme un hommage au célèbre chanteur de country américain surnommé L'Homme en Noir. Et John Hayden envisageait par ailleurs d'enregistrer un prochain album en 100% rockabilly à Nashville avec l'aide du guitariste Brian Setzer, ex-membre des Stray Cats, et d'un certain Yodelis. Mais ça n'a pas vu le jour et l'album posthume ne reflète pas du tout du rockabilly. Voici un titre que Johnny a composé, c'est le titre « Des raisons d'espérer ». Le bruit des clés te sort du lit. Combien de jours et combien de nuits. Tu sors en tout dernier, les traits tirés, mais tu souris. Au premier jour du reste de ta vie. Et tu traces ta route pour continuer à chercher. Tu traces ta route. Des raisons d'espérer. Ta dette a été effacée. Tu quittes le banc des accusés. Tu mets dans la balance ce qui te reste de fierté. Tu veux jeter toi-même les dés. Et tu traces ta route pour continuer à chercher. Tu traces ta route. Les raisons d'espérer. Tu revois les jours, les années, au goût amer d'inachevé. Un futur incertain, si c'est ça le prix à payer. Rien n'est trop cher pour ta liberté. Tu traces ta route pour continuer à chercher. Tu traces ta route, des raisons d'espérer. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live qui parle des personnes qui travaillent de nuit également. Johnny, on retrouve voilà le Johnny engagé. Johnny qui parle des métiers de l'ombre et tout ça. C'était à Bercy en 1987 et cette chanson est extraite de l'album Rock'n'Roll Attitude. Il y a des femmes tellement belles qui vous attendent sagement dans leur lit. Il y a des hommes qui dorment et qui rêvent tranquillement leur vie. À vu l'heure qu'il est, l'homme n'est sûrement pas fait pour échanger sa paye contre la lumière du soleil. Et qui vient de lui, ces maudites machines s'arrêtent jamais. Et les ponts et les routes qu'on construit. Votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Voici le monde. We'll be right back. Voici le monde, extrait de l'album Rock and Slow, sorti en 1974. Une chanson qui parle des inégalités sociales. Et ce texte a été écrit par Philippe Labro et la musique était de Pierre Groscola. Avant d'écouter aussi un texte sur les violences conjugales, voici John Hayday qui va nous parler encore une fois de son 50e album, c'est-à-dire l'album de la semaine de l'amour. Petit pas de danse à la Elvis, hop, il est sacrément en forme notre Johnny. À 71 ans, il vient de sortir son 50e album studio de l'amour et finit la variette, Johnny transpire le rockabilly à grosses notes. Sentir tomber, on pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Avec des textes au présent sur le sort des migrants, les attentats de janvier ou les émeutes de Ferguson, Johnny rend hommage à la musique du passé. Les pionniers du rock blanc, ses idoles, Elvis, Cash, Gene Vincent et les autres. Mais pourquoi y revenir maintenant ? Ma douleur, elle ne s'en va pas. Depuis des jours et heures, elle reste plantée là. Après ces gens-là, le rock'n'roll est mort. Voilà. Et pour moi, le rock'n'roll, c'est justement ces chanteurs et ces que vous venez de citer. Le rock'n'roll vient du rockabilly. Bon, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai envie de faire un album spécialisé rockabilly pour tous les fans de rockabilly. Écoute, écoute, mon cœur qui... Johnny est fasciné par le rock américain depuis les années 60. Fasciné par les États-Unis, la terre promise, pour reprendre l'expression de Philippe Manœuvre, le script de sa dernière tournée. On a demandé aux critiques rock de nous faire le panthéon des idoles américaines de Johnny, et ce sont au départ surtout les acteurs du cinéma d'Elia Kazan. Voilà. Johnny, il a tout vécu par le cinéma. Et Johnny, son tropisme américain, il est là. Il va voir Sur les quais, il va voir L'équipée sauvage, il découvre Brando, Jimmy Dean, Montgomery Clift. Donc lui, en plus, il capte tout ça avant tout le monde. Et il va nous le restituer, quoi. Et sa première chanson qu'il écrit, c'est dans les plaines de l'Oklahoma, les bras en croix. Dans la vallée de l'Oklahoma, un coup de fusil fait mouche toutes les fois. C'était un western, parlait des vallées de l'Oklahoma où il n'y a aucune vallée, mais j'y étais quand même. C'est la plus belle de tout le quartier, et mon plus grand désir c'est d'y parler. Dans les années 60, Johnny importe le rock en France en traduisant les chansons des pionniers américains. Il idolâtre les guitaristes, Elvis Presley, Chuck Berry et surtout Eddie Cochrane. Là, mon vieux, elle est terrible. Johnny, ce qu'il aime vraiment, c'est Eddie Cochrane. Eddie Cochrane, qui est un des plus grands inventeurs du rock, quoi, parce que c'est un gamin qui avait vraiment le génie du son, de l'acoustique. On trouve beaucoup de Eddie Cochrane dans les chansons de David Bowie, par exemple. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. C'est Somme Finelle, ça. Enfin, oui, il les a toutes adaptées. Franchement, à l'époque, il y avait une joie de vivre incroyable dans ses premiers disques de rock'n'roll. Il fallait les faire en français. Nous, on avait envie de comprendre de quoi ils retournaient, nous, les gamins, quoi. J'étais avec une fille qui me plaisait bien. Et j'ai dû la quitter sans attendre demain. Malgré son amour, elle ne me comprenait pas. Car elle était bien trop différente de moi. Bon musicien, Johnny s'intéresse aussi aux courants musicaux pointus comme le skiffle de Donny Lonegan. Le skiffle, c'est un style traditionnel anglais avec une planche à laver pour accélérer la rythmique, avec une guitare acoustique, une planche à laver, une contrebasse. Et Lonnie Donegan, il commençait à tripoter un peu avec le blues. Ça a été un chanteur extraordinaire qui a eu un succès mais colossal dans les années 60. Et pour Johnny, il fait sur scène Dead or Alive, qui est une chanson de Lonnie Donegan. Et pour Johnny, si on pouvait inciter les gens à réécouter ce fabuleux chanteur, ça c'est la mission qui s'est un peu confiée. Lonnie Donegan, c'est sa cause perdue. Voilà. Here's a new sheriff, send me my picture on board. He said, come up and see me, dead or alive. He said, I come up and see me, I'm dead or alive. Si vous regardez la carrière de Johnny Hallyday, il a travaillé avec les plus grands, il a travaillé avec Jimmy Page, c'est lui qui a découvert Jimi Hendrix. Enfin, Jimi Hendrix était tricard, était un espèce de maudit. Aucun artiste anglais ne voulait qu'il passe en première partie parce qu'il était trop bon. Et Johnny Hallyday a dit, bon, moi, il peut faire ma première partie. Quand je n'ai plus de pays. 50 ans après avoir lancé Jimi Hendrix, Johnny est aujourd'hui un des derniers rockers de sa génération. L'Amérique, il l'a voulu et il l'a eu, et maintenant, il y vit en paix. Johnny, c'est quelqu'un de route. Il aime bien prendre une moto, rouler dans le désert, aller vers Santa Fe, s'arrêter, boire un coup, exactement comme Springsteen, qui a fait les mêmes trucs d'ailleurs, traverser les États-Unis en moto, les grandes villes. C'est pas trop New York, il n'y a pas de Harley, il n'y a pas de chevaux, ça l'embête un peu toute cette histoire. C'est une ville où il y a trop de traders, pas assez de cactus. Après la ville, là. slogan politique. C'est le cri commun de toute une génération, sans parti, sans dictature et sans flic. Ça s'écrit en bleu, en rouge, en noir ou bien en blanc. Quand ça ne s'écrit pas, ça se dessine. Écrit sur les murs, également extrait de l'album Vie, sorti en 1970, un texte de Philippe Labro, et l'auteur précise que c'est un cri, hein, c'est le cri d'une génération sans dictature et sans flic. Nous voici à présent avec le dernier extrait de l'album de la semaine, qui est De l'amour, sorti le 13 novembre 2015, et pour le dernier titre, on va écouter le titre Une vie à l'envers. Johnny D ont fait des tournées énormes, et sur les 90 dates à venir, je sais que déjà pendant 60 d'entre elles, les mêmes personnes seront au premier rang. Ils nous suivent partout. Je me demande comment ils font. Ils doivent économiser toute l'année pour faire ça. Cela me touche énormément, mais moi, je n'ai jamais vraiment été fan de quelqu'un à ce point. Jamais je n'aurais fait pour personne ce que eux font pour moi. Ça me touche énormément. C'est pour eux que j'ai voulu faire cet album. Voici le titre, Une vie à l'envers, écrit par Vincent Delerme. Un aquarium, un mégot, mon visage sur un poster. Je ne connaîtrai jamais la fermeture à minuit, la vie des gens qui m'aimaient n'aura pas été ma vie. Les hélicoptères, les nuits, une vie à l'envers je vis. Les échangeurs, le trajet, le péage, la Ford Escort, la poche arrière, le billet, 15 heures, ouverture des portes. Et les stands et la buvette, moi je n'y suis pas allé. Ces briquets, ces allumettes, je ne les ai pas allumées. Les hélicoptères, les avions, les nuits, tatouage sur l'avant-bras. Ce prénom, je le connais. Pourtant, je ne m'habitue pas. Je ne m'y ferai jamais. Les hélicoptères, les avions. À l'envers, je vis. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve notre héros, Johnny Hallyday, à Bercy en 1992, extrait donc du coffret de Bercy, sorti en décembre 2022. Et ce titre d'une nouvelle version de la date du 25 septembre 1992, voici Tiananmen.

Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de sa dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois, entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans la rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et des oiseaux. Allons. Ne vous moquez pas de moi. Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'affirmer que cela a vraiment existé? Ah, dites-moi. Alors ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Comment c'est vrai? Le sable était blanc. Comment c'est vrai? Il y avait des rivières, des oiseaux, des enfants, des maisons. C'est vrai? Ça a vraiment existé? Vraiment? Sur cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine De l'amour sorti le 13 novembre 2015 et avec aussi différentes chansons de Johnny engagées. On aurait pu en mettre encore plein. On pourrait faire encore une deuxième émission avec toutes les chansons de Johnny et l'engagement sur la vie, sur la société et compagnie. Je vous remercie tous d'avoir écouté et participé à cette émission. Et puis n'oubliez pas que cette émission, vous la retrouverez aussi en podcast. Et toujours cette émission, parlez-en autour de vous. Je compte sur vous. À la semaine prochaine, à bientôt toutes et à tous. Ciao, ciao.